franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. C'était un assassinat de plus. Dans un pays où l'on dénombre annuellement presque un homicide pour 1000 habitants et où 98% de ces meurtres demeurent impunis, il n'y avait pas vraiment matière à s'émouvoir. Et pourtant, celui-là, en mai 2009, a déclenché une véritable tempête politique au Guatemala car la victime a dénoncé ses meurtriers. Dans un enregistrement vidéo réalisé avant sa mort et diffusé à la télévision, l'avocat Rodrigo Rosenberg a en effet désigné ceux qui, selon lui, avaient commandité son assassinat. Rien moins que le président du Guatemala, Alvaro Colom, et son secrétaire privé. L'affaire ne pouvait que provoquer un formidable scandale politico-policier. Et les Guatémaltèques ont eu l'impression de vivre, par médias interposés, pendant plusieurs semaines, un vrai polar. Monsieur X y vient tout de suite. La semaine dernière, il m'avait déjà dressé un tableau effrayant de ce petit pays d'Amérique centrale, déchiré pendant des décennies par une guerre civile et ethnique qui a provoqué la mort de plus de 200 000 personnes, dont une majorité d'Indiens mayas. Un pays aux inégalités sociales considérables et où la violence est endémique, en particulier à cause des cartels de narcotrafiquants mexicains qui ont essaimé au Guatemala et en ont fait leur base arrière. Je voudrais d'abord vous faire un aveu. Mon attention a été attirée sur l'affaire Rosenberg par un long récit de l'écrivain américain David Graham, publié en France dans le deuxième numéro d'une jeune revue que je vous recommande, Feuilleton. Alors après cette lecture, vous avez essayez d'en savoir plus ? Comme d'habitude, parce que cette histoire est tout simplement extraordinaire, au sens propre du mot. Et m'avez-vous dit, elle a provoqué une sorte de séisme politique dans ce petit pays qu'est le Guatemala ? Et si le camp du président Colom a fini par perdre les élections de 2011 en dépit des conclusions de l'enquête, il le doit certainement à cette affaire Rosenberg. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Un mot d'abord sur ce Rodrigo Rosenberg. Ouais, un avocat. Un homme de 47 ans, belle allure, brillant et riche, conseiller juridique de plusieurs grandes sociétés et de quelques personnages éminents. Bref, un parfait représentant de l'oligarchie guatémaltèque. Et politiquement conservateur, j'imagine. Ça va de soi, mais pour autant, c'est un homme lucide et honnête qui ne supporte plus la corruption qui mine son pays. Il ne se prive pas de dénoncer publiquement tous les travers de la société guatémaltèque, à chaque fois qu'il le peut. Autre chose, ce divorcé, père de deux enfants, est follement amoureux de la belle Marjorie, fille de l'un de ses amis, un émigré libanais qui est un homme d'affaires fortuné, Khalil Moussa. Un amour partagé ? Oui, les deux tourtereaux envisagent de se marier. Quand soudain, à la mi-avril 2009, c'est le drame. Alors que Khalil Moussa quitte son usine de textile, des coups de feu sont tirés sur sa voiture. Le Libanais est tué, mais aussi sa fille qui se trouvait à ses côtés. Rosenberg est effondré. Je comprends, mais qui pouvait en vouloir à Moussa, là ? À première vue, ce double assassinat semble inexplicable. Certes, Moussa brassait de nombreuses affaires, mais il avait une réputation de parfait honnête homme. Il était même réputé pour refuser de payer des pots de vin pour emporter des contrats. En tout cas, ses obsèques et ceux de sa fille rassemble tous ceux qui comptent à Guatemala City. Et quelques jours après, lors d'une conférence de presse, des représentants du patronat dénoncent l'impuissance des autorités et réclament une enquête approfondie. Un rappel, puisque nous en avons parlé la semaine passée, le pays est alors dirigé par un homme de gauche. Le président Alvaro Colom, oui. Le premier président guatémaltèque de gauche depuis qu'en 1954, la CIA a fait en sorte de renverser le président Arbenz. Pour protéger les intérêts de la compagnie états-unienne United Fruits. Et c'est à cette occasion qu'on a utilisé pour la première fois l'expression « république bananière ». Enfin, vous savez tout ça. Colom a donc été élu contre un candidat conservateur en 2007, avec une priorité, la justice sociale. Ouais, mais m'avez-vous dit aussi, très vite ça dérape. Oui, à cause de l'omniprésence au Guatemala des narcotrafiquants qui sont les principaux corrupteurs du pays. Et Colom, malgré sa méfiance vis-à-vis de l'armée qui a imposé pendant si longtemps sa loi et perpétré d'innombrables massacre. Hein. Oui, oui. Colomb devra donc se résoudre à remilitariser des régions entières pour essayer de juguler les agissements des narcotrafiquants. Ouais, bien que ceci est souvent lié avec les militaires. Et les politiciens conservateurs. Bon, autant dire que Colomb s'attaque à une tâche insurmontable. Et il donne assez vite l'impression d'être dépassé. Ce qui n'est pas le cas de son épouse, Sandra Torres, qui met en place plusieurs programmes sociaux. À la décharge de Colomb, il faut quand même dire qu'avec l'aide d'une institution de l'ONU, dont nous allons reparler, la CIGIG, la Commission internationale contre l'immunité au Guatemala, il a procédé à une sévère purge dans sa police. Mais revenons à Rosenberg. Vous affirmiez qu'après le double assassinat, il était effondré. Hein. Mais assez vite, il se reprend, car il est prêt à tout tenter pour découvrir pourquoi son ami et sa maîtresse ont été tués. Il a une piste ? Il a d'abord une intuition. Après avoir bien analysé la scène de crime et le modus operandi des tueurs, il pense que le commando de tueurs qui a agi avec sang-froid et une précision toute militaire appartient presque forcément aux forces de sécurité de l'État. Ensuite, il pense à un mobile possible. Dans les mois précédant son assassinat, on aurait proposé à Khalil Moussa de siéger dans les conseils d'administration de deux importantes institutions. Lesquelles ? L'une d'elles, surtout, retient l'attention de Rosenberg. Il s'agit de la Banque de Développement Rural, appelée plus simplement Ban Rural, deuxième établissement bancaire du pays, au capital mi-public, mi-privé. C'est le bras financier de l'État. Le président Colomb s'appuie sur Ban Rural pour réaliser d'importants programmes de sécurité sociale destinés aux pauvres. Ces programmes-là qui sont piloté par l'épouse du président. Exactement. Moussa avait informé son ami Rosenberg de l'offre qui lui était faite. Et l'avocat lui avait alors conseillé de ne pas s'impliquer dans cette banque. Et pour quelle raison alors ? Parce qu'il jugeait que c'était trop dangereux. Ça mérite une explication là. Dangereux pourquoi ? Rosenberg pensait que l'éthique intransigeante de Moussa représenterait une menace pour ceux qui avaient des intérêts dans ces institutions. Des gens malhonnêtes donc ? C'est ce que pensait l'avocat. Et est-ce que Moussa écouter son ami. Rosenberg pensait qu'il avait accepté la proposition de Ban Rural. Et il en a aussitôt tiré une conclusion. Si son ami Moussa a été tué, c'est certainement parce qu'au sein du conseil d'administration de la banque, il a refusé de couvrir quelques affaires illégales traitées par cet établissement. Par exemple, des détournements de fonds publics ou des opérations de blanchiment d'argent. Telle est en tout cas sa conviction. Et comme Ban Rural est étroitement lié au pouvoir, le commanditaire du double assassinat se trouve donc au sommet de l'État. Ah, le président. Ou son entourage immédiat. Mais Rosenberg, dispose-t-il de preuves ? Non. Non, mais il va en chercher. Et dans ce but, très curieusement, il va demander l'aide de deux de ses connaissances. Attendez, là, pourquoi curieusement là ? Parce que ces deux personnages ont un profil un peu sulfureux. Le premier s'appelle Luis Mendizabal. Officiellement, il possède un négoce de fripes, mais sa boutique sert surtout de repère pour la barbouzerie locale. Mendizabal, réputé être l'un des hommes les mieux informés du pays grâce à des archives bien tenues, est lié à l'extrême droite. Et il a été compromis dans tous les coups d'État des années antérieures. Enfin, il serait proche des chefs des escadrons de la mort et, à l'occasion, il aurait été aussi trafiquant d'armes. Un joli personnage. Et qui trompe son monde. Mendizabal a un physique de grand-père débonnaire. Mais pas être deux personnages et l'autre, alors. Mario David Garcia est un journaliste d'extrême droite qui a fréquenté les mêmes milieux que Mendizabal. Et alors, et l'honnête Rosenberg, hein, leur fait confiance. Oui, aussi étonnant que cela paraisse, car il pense que grâce aux relations de ces deux hommes, il va approcher la vérité. Avant de poursuivre, un mot sur le président Colomb qui va être mis directement en cause par Rosenberg. Comme M. X, je me suis reporté au récit de l'écrivain David Grahn paru dans la revue Feuilleton. Extrait. Colomb, 57 ans, avait un caractère inhabituellement réservé pour un homme politique. Grand, maigre comme un ascète, les épaules voûtées, les cheveux gris dégarnis, l'air sérieux derrière ses lunettes rondes, il ressemblait à un séminariste. C'était d'ailleurs sa formation initiale avant de se lancer dans la politique. Une déformation congénitale des lèvres faisait de sa voix un murmure nasal presque inintelligible. Colomb a déclaré que son pays ne devait pas revenir aux ténèbres du passé et il a juré de mettre fin à la violence et à la corruption. Pourtant, malgré toutes ses bonnes intentions, il n'avait pas suffisamment de poids pour contrôler l'État parallèle. Rosenberg a donc demandé à Mendizabal et à Garcia de l'aider dans son enquête. Et disons-le tout de suite, les deux hommes le confortent dans l'idée qu'il faut chercher la vérité du côté du pouvoir. Étant donné le profil de ces deux personnages, c'est pas très étonnant. Hein. Quelques jours après avoir commencé son enquête, Rosenberg confie à son ami Mendizabal, mais aussi à son fils, qu'il a reçu des menaces de mort par téléphone. Il est également persuadé qu'il est suivi et que son appartement a été sonorisé. A posé des micros, quoi. Oui. En outre, le secrétaire particulier du président Colom, Gustavo Alejos, lui aurait même conseillé d'arrêter son enquête, car il pourrait y perdre la vie. Ah, ça, c'est... ça ressemble à une menace. Ah, oui, ça y ressemble, comme vous dites. Quant à Mendizabal, il lui conseille de quitter le Guatemala. Réaction de Rosenberg, là. L'avocat refuse. Car, affirme-t-il, il est sur le point d'identifier les commanditaires du double assassinat. Il ne lui manque que de pouvoir réunir quelques preuves. Le dimanche 9 mai 2009, au matin, Rosenberg quitte son domicile pour faire une balade à vélo. La veille au soir, il a annoncé par téléphone à une amie qu'il avait besoin de s'éclaircir les idées. Après les menaces qu'il a reçues, partir seul à vélo, ça ne semble pas très prudent, non? C'est certain, surtout si on tient compte de l'insécurité qui règne dans la capitale guatémaltèque. Et effectivement, on va le retrouver mort dans une rue de son quartier chic à côté de son vélo. Il a été tué de plusieurs balles de 9 mm dans la tête. Une exécution. Et dès le lendemain, à l'issue de l'enterrement de Rosenberg, son ami Mendizabal s'adresse à tous les gens qui ont suivi la cérémonie. Le défunt lui a laissé une vidéo qui ne devait être rendue publique que s'il était assassiné. Ouais. Et donc, ce Mendizabal va s'empresser de la diffuser. Oui, d'abord sur Internet, puis à la télévision nationale. Alors, qu'y a-t-il dans cet enregistrement? Face à la caméra, pendant plus d'un quart d'heure, Rosenberg dénonce ses assassins présumés, c'est-à-dire selon lui le couple présidentiel, mais aussi le secrétaire particulier de Colom. Et explique-t-il pourquoi on l'a tué? Naturellement. Moussa, puis lui-même, aurait découvert des malversations financières au sein de la bande rurale, des détournements de fonds publics grâce à des programmes sociaux fictifs imaginés par Sandra Torres, l'épouse du président. Et Rosenberg conclut ainsi « J'espère que ma mort aidera le pays à prendre une nouvelle direction. » J'imagine que la révélation de ces images là, provoque un vrai choc dans l'opinion guatémaltèque. Bien évidemment. Le 11 mai, deux jours après l'assassinat de Rosenberg, 30 000 personnes vêtues de blanc défilent et réclament la démission du président. Depuis la visite de Jean-Paul II au Guatemala, on n'a jamais vu un tel rassemblement dans la capitale. Et dans les jours qui suivent, les manifestations continuent. Et comment Colom se défend-il? Il fait appel à un consultant politique renommé qui vient tout exprès de Washington. Cet homme, persuadé de son innocence, le convainc de riposter à la télévision. Mais la prestation résidentielle n'est guère habile. Certes, Colom affirme que la vidéo de Rosenberg est un élément d'un complot destiné à déstabiliser le gouvernement. Mais il paraît mal à l'aise et même tremblant. Ensuite, il commet une maladresse. Il est surpris en train de discuter avec le procureur général. Oui, ça donne l'impression qu'il essaie de l'influencer. Ou même de l'acheter. Et tout ça au moment où Rosenberg est présenté comme un martyr. Le lieu de sa mort devient un sanctuaire où l'on plante une croix. La situation du président devient si délicate que l'ambassadeur états-unien se précipite au palais présidentiel. La seule issue possible, dit-il à Colom, c'est de confier l'enquête à cette commission dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oui, la CIGIG, c'est ça, oui. Oui, cette institution internationale a été mise en place en 2007 à la demande des Guatémaltèques dépassés par la corruption régnant dans leur pays. Il s'agit d'une expérience juridique inédite. Car la différence de nombre de commissions de la vérité ou autres comités des droits de l'homme, elle n'enquête pas sur les crimes du passé, mais elle lutte activement contre la violence et la corruption. Et qui la compose, cette commission? Des juges, des procureurs et des officiers de police du monde entier. Autre particularité, la CIGIG opère dans le cadre légal du pays, et sa mission consiste à poursuivre le crime organisé et à anéantir les réseaux clandestins enracinés dans l'État. Donc, en confiant l'affaire à cette commission, on écarte en principe toute ingérence de la justice et de la police locale. En effet. Et qui la dirige ? En 2009, c'est un procureur espagnol, Carlos Castresana, en poste depuis 2007 au Guatemala, un haut magistrat chevronné. À la fin des années 90, c'est lui qui a rédigé le projet d'acte d'accusation contre Pinochet pour les milliers d'assassinats perpétrés au Chili. Oui, ça en était suivi l'arrestation du général putschiste en Grande-Bretagne. Et donc, en 2007, ce magistrat est nommé à la tête de la CIGIC. Avant de mener l'enquête sur la mort de Rosenberg, il s'est penché sur l'implication de hauts responsables guatémaltèques à propos de massacres de populations civiles. Cependant, Castresana a connu un premier gros échec en 2008. Un échec de quel ordre ? La CIGIC inculpe un procureur en chef pour entrave à la justice et falsification de preuves dans les dossiers d'homicide. Mais, à l'issue du procès, le dit procureur est reparti libre. Et pourtant, ça ne décourage pas Castresana. Avec le soutien du président, il réussit à faire révoquer plus de 1500 officiers de police corrompus, dont 50 préfets de police, le directeur adjoint de la police nationale et une bonne dizaine de procureurs. À l'été 2008, il demande même à Colom de révoquer son procureur général, accusé d'être un obstacle à son opération main propre. Ouais, inflexible, ce Castresana. Hein. Un ministre guatémaltèque l'a même comparé au général MacArthur au Japon après la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Bon, donc en tout cas, il s'attaque de front à l'affaire Rosenberg. Et pour lui, l'enjeu est considérable, car il est persuadé que l'avenir de la démocratie guatémaltèque repose sur lui-même et le travail de son équipe d'enquêteurs. Car dans un premier temps, Castresana est persuadé qu'il va découvrir un complot fomenté par l'État. Et pour travailler, il prend des précautions rigoureuses. Il s'enferme dans un bâtiment transformé en bunker, vérifie qu'aucun micro n'a été posé. Et quand il se déplace, c'est dans un véhicule blindé, protégé par des gardes du corps qui ne sont pas guatémaltèques. Ouais, parce qu'il a peur d'une éventuelle infiltration des membres de son équipe. Et quelquefois, ça fait des étincelles. Comme le jour où ces enquêteurs qui vont auditionner un témoin s'aperçoivent qu'ils sont filés par des flics locaux. Il enquête elle-même. Castresana et son équipe relèvent d'abord un fait curieux. Lors de l'assassinat, le corps de Rosenberg est tombé en arrière sur le trottoir, alors que son vélo s'est couché côté chaussée. Et ça ne lui semble pas logique. Deuxième constatation. En passant au crible, les caméras de surveillance installées dans ce quartier chic, on découvre que Rosenberg était suivi par une voiture de sport noire, aux vitres teintées. Le conducteur est rapidement identifié. C'est un ancien policier, un certain Gilberto Santos Divas. Ça va plutôt dans le sens du complot d'État. Hein. Exactement. Autre indice intéressant. Luis Mendizabal et Mario David Garcia, les deux sulfureux amis de Rosenberg, avouent avoir réalisé la vidéo accusatrice de l'avocat. Et par la même occasion, Castresana découvre le passé complotiste des deux hommes qui ont été mêlés à la préparation d'au moins deux tentatives de putsch. Il apprend aussi qu'en 2007, le président Colom avait engagé Luis Mendizabal en tant que conseiller à la sécurité. Mais il s'en est très vite séparé. Oui, sans doute à cause de son passé. Vraisemblablement. Ouais. D'où l'idée qui germe dans la tête de Castresana. Mendizabal, qui en même temps a perdu un appel d'offres lucratif du gouvernement pour la fabrication de cartes d'identité nationale, n'aurait-il pas cherché à se venger de Colom? Ouais, en manipulant, puis en assassinant Rosenberg? Dans le seul but de renverser Colom. Mais le procureur Castresana est encore loin de s'approcher de l'invraisemblable vérité. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Une information importante avant d'écouter la suite des propos de Monsieur X. Je l'ai trouvé dans une revue publiée par l'association Collectif Guatemala. Nicolas Krameyer y souligne, je cite, que le programme social financé en grande partie par les avoirs de Ban Rural est coordonné par la femme du président Sandra Torres. Or, celle-ci est aussi présentée avec insistance comme probable candidate à la prochaine présidentielle et bénéficie de la meilleure cote de confiance dans les sondages, 28% contre 6% au général Otto Pérez Molina, champion de la droite conservatrice. La déstabilisation de la banque, dénoncée par la vidéo comme coupable de blanchiment d'argent, pourrait, pour certains secteurs, être une manière d'en reprendre le contrôle, tout en coupant l'herbe sous le pied de la première dame du pays dans ses velléités de succession à son mari. Comment se poursuit l'enquête de la commission ? Une parenthèse d'abord. À cause de cette affaire Rosenberg, le pays semble au bord de l'explosion sociale et l'oligarchie économique guatémaltèque tire à boulets rouges contre Colom et l'entourage présidentiel. Alors, l'enquête elle-même, la CIGIG a mis sur écoute téléphonique Gilberto Santos et organise des filatures. Ouais. Santos, là, c'est l'ancien policier qui suivait en voiture Rosenberg le jour de son assassinat. C'est ça. Ouais. Et il apparaît que cet homme appartient à un réseau criminel qui rassemble une dizaine de personnes, dont beaucoup d'ex-flics. Des gens qui seraient mêlés à cette affaire ? Peut-être, oui, mais si c'était vrai, restait à savoir qui les avait engagés. Aussi, Carlos Castresana lance-t-il en septembre 2009 une opération de grande ampleur qui mobilise policiers et soldats. Simultanément, les 10 membres du gang sont interpellés. Résultat ? Les enquêteurs s'intéressent à leur téléphone portable. Leur contenu permet l'identification d'un intermédiaire en contact avec le gang le jour de la mort de Rosenberg, un nommé Cardona Medina. Interrogé sans relâche, l'individu craque en échange de la promesse d'un allègement de peine. Le gang, dit-il, a été engagé par deux frères, les Valdés. Les Valdés. Et qui sont ces nouveaux venus, alors ? Honorablement connus. Ils dirigent une importante société pharmaceutique. Mais coup de théâtre, on découvre qu'ils sont apparentés à Rosenberg via sa première épouse. Apparemment en très bons termes avec l'avocat, ils ont pourtant donné 40 000 dollars au gang pour exécuter Rosenberg, en prétendant que ce dernier, coupable de leur avoir extorqué de l'argent, devait être puni. Bizarre, mais on se dirige alors vers un fait divers relativement banal. Hein. Il n'est plus question de mobile politique. Là. Attendez, ce n'est pas fini. Parce qu'on ne peut pas oublier la vidéo accusatrice de Rosenberg. La commission continue donc ses investigations et fait une découverte essentielle. Les enquêteurs identifient le numéro du téléphone portable utilisé pour menacer Rosenberg au début du mois de mai. Plusieurs appels qui s'interrompent le jour de la mort de Rosenberg. Or, c'est sur ce même portable qu'on a transmis l'ordre d'exécution au gang des tueurs. C'est assez logique, non ? Oui, mais c'est la suite qui l'est moins. Car les enquêteurs arrivent à remonter la piste de cet appareil. C'est le propre chauffeur de Rosenberg qui l'a acheté, sur ordre de son patron. Ça devient plus compliqué. Hein. Oui, mais vous allez comprendre quand vous apprendrez que tous les coups de téléphone de menace ont été émis depuis l'appartement de Rosenberg. Alors quoi, il s'est menacé lui-même ? Et dans les jours qui ont précédé sa mort, il a fait un chèque de 40 000 dollars que son secrétaire a porté aux frères Valdés. Pour payer les tueurs ? Des tueurs recrutés par les frères Valdés à sa demande. Vous y voyez clair maintenant ? Oui, Rosenberg aurait organisé lui-même sa propre exécution. C'est la seule conclusion possible. Et au fond, ça s'apparente à un suicide. C'est exactement ça. Mais il fallait comprendre comment Rosenberg en était arrivé là. Les enquêteurs ont mis en lumière que l'avocat, par ailleurs sans doute maniaco-dépressif, était malheureux comme les pierres depuis la mort de sa maîtresse. Il avait même confié à un ami qu'il avait l'impression de se désintégrer petit à petit. Mais surtout, il était plus que jamais convaincu que les Moussa, père et fille, avaient été abattus sur ordre du gouvernement. En mettant en scène sa propre exécution et en accusant dans sa vidéo le clan présidentiel, il aurait donc voulu venger la mort de sa maîtresse et celle de son père. C'est ce qui apparaît. Par conséquent, Castresana lance un mandat d'arrêt contre les frères Valdés. Je vous passe les détails, mais ses frères, après avoir disparu quelque temps, se débrouilleront pour n'être accusés que de complicité. Et pas d'assassinat. Et quand, alors, Carlos Castresana rend-il public ses conclusions ? Au tout début de l'année 2010. Il vient à la télévision déclarer que Rosenberg est à la fois coupable et victime. Au palais présidentiel, on est bien sûr soulagé. Dans l'opinion publique, c'est autre chose. Mais on a du mal à accepter une version aussi stupéfiante. C'est certain. Il faudra du temps pour qu'on l'admette. Cependant, Castresana ne veut pas en rester là, car il est persuadé que les deux prétendus amis de Rosenberg, Garcia et Mendizabal, ont joué un rôle machiavélique dans l'affaire. Mais en tentant d'exploiter les circonstances mystérieuses de la mort de Rosenberg. Et peut-être même en l'incitant à se suicider. Ce que confirmera un témoin qui déclarera que Garcia avait rencontré Rosenberg et l'avait encouragé à se suicider. « Fais-le pour ton pays !» lui avait-il dit. D'accord, mais pour ton pays, ça veut dire quoi là ? Qui se trouvait derrière ce duo infernal ? Je pense qu'il ne faut pas chercher trop loin. Il est évident que c'étaient les ennemis politiques du président Colom. Et d'abord, ce général, Pérez Molina, battu lors des élections de 2007. Mais qui prendra sa revanche en 2011. Hein. Toutefois, vous le savez bien, dans ce genre d'affaires, les preuves sont impossibles à trouver. Et on pouvait faire confiance à Mendizabal et à Garcia pour brouiller les pistes. Castresana n'a donc pu aller plus loin. Et dans certains milieux, on s'est dit que ce procureur commençait à devenir gênant. Il a par exemple demandé et obtenu l'extradition d'un ancien président guatémaltèque qui appartenait à la clique de l'ex-dictateur militaire, Rios Montt. Oui, on en parlait la semaine dernière. La justice s'occupe sérieusement de lui. Hein. Ouais. C'était au fond un massacreur illuminé. Et l'un des plus, oui, l'un des plus corrompus du pays. On a donc estimé qu'il convenait de pousser le juge Castresana vers la sortie. Et de peur qu'il aille trop loin. Évidemment. D'où le début d'une campagne de calomnie contre la CIGIG et surtout Castresana. On a par exemple prétendu qu'il faisait l'objet d'une enquête de l'ONU pour manquement à l'éthique. On a parlé aussi de ses liaisons féminines. Une destruction en règle de sa réputation à défaut de pouvoir le corrompre. Au reste, Castresana lui-même n'a rien fait pour s'en sortir. Autoritaire et mégalomane, il a fini par se brouiller avec les journalistes. Et même Colom lui a manqué. Mais comment ? En mai 2010, le président a nommé un nouveau procureur général, Conrado Reyes. Mais quel rapport avec Castresana, là ? Ce nouveau procureur s'est empressé de limoger ses collègues les plus honnêtes, puis a entravé le travail de la CIGIG. C'en était trop pour Castresana, qui a fini par démissionner avec fracas. Non sans accuser préalablement ce Conrado Reyes d'être lié au narcotrafic, ce qui a obligé Colom à révoquer son procureur. Castresana s'est donc vengé. Avant de partir, Castresana s'est juré de résoudre le mystère de l'assassinat des Moussa. Ouais. Il a réussi ? Oui, il a d'abord établi que Rosenberg avait raison de soupçonner que la bande rurale dissimulait des opérations louches. Mais là ne se trouvait pas l'explication de l'exécution de Moussa et de sa fille, car le Libanais avait fini par refuser d'entrer au conseil d'administration de la banque. Non, l'explication était plus simple. L'ami de Rosenberg n'était pas l'homme honnête qu'il croyait. Moussa avait acheté du matériel de contrebande pour son usine textile auprès d'un réseau criminel. Refusant de payer ses gangsters, il a été abattu. L'affaire était simplement crapuleuse. Un dernier mot, le général Molina, leader du camp conservateur, a donc été facilement élu en novembre 2011. En effet, l'épouse de Colom, bien qu'elle ait divorcé, n'a pas été autorisée à concourir par la Cour constitutionnelle. Enfin, je vous rappelle que dans la revue Feuilleton, dont le numéro 2 est paru en janvier, vous pourrez retrouver le long article de l'écrivain américain David Grann sous le titre « Chronique d'un meurtre annoncé ». À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez communiquer avec nous et même réécouter ce programme. Un programme qui a été préparé par Rebecca de Nantes et réalisé par Michel Billou et Fabrice Lègue et agrémenté de quelques notes de musique par le célèbre Monsieur Djoub. Tout de suite après le flash, on respire. CO2, mon amour, de Denis Chessou.